Attention, attention. Le Stone Rock Show débarque sur Stone Rock Radio. Veuillez rentrer chez vous et allumer votre web radio. Salut à toi, ami du rock. Bienvenue dans le Stone Rock Show, ton rendez-vous du mercredi soir 22h sur Stone Rock Radio. Moi, c'est Olive et je vais t'accompagner pendant une bonne heure avec du bon son rock et pas que. J'espère que tu passes un bon moment sur Stone Rock Radio. Merci à Tom Ledbetter pour son émission Dirty Rock Party Show que vous retrouverez mercredi prochain vers 21h sur Stone Rock. Alors, je te rappelle le concept du Stone Rock Show de cette saison. On va remonter le temps jusqu'en 1978 et s'intéresser à ce que passaient nos voisins britanniques dans leurs émissions rock à cette époque où le disco dominait les charts et envahissait les ondes, mais tout en gardant l'esprit Stone Rock Show des saisons précédentes avec les petits jingles et les interventions humoristiques. Je te passerai donc du classique rock, des extraits d'albums sortis entre janvier et juillet 1978, des titres rock complètement oubliés, une session de John Peel enregistrée en live dans les studios de la BBC entre 1977 et 1978, des curiosités électro et crotrock. Je vais également te faire découvrir les grands débuts de la vague New Wave qui a pris de l'ampleur au début des années 80, mais également de beaux morceaux soul et reggae. Alors, au programme de ce Stone Rock Show épisode 18, des épingles à nourrice, du calme et de l'énervé, de la ganja, du collector, du vinyle qui craque, du rock fort, du classic rock et de la pill session. Alors, si t'es au taquet comme moi, on va commencer tout de suite avec la première série et le groupe Skids, groupe de punk rock et new wave écossais formé à Dunfermline en 1977 par Stuart Adamson, William Simpson, Thomas Kellinchan et Richard Jobson. Je vais te passer le titre Six Time qui est extrait de l'album Scared to Dance, sorti le 23 février 1979 chez Virgin. Pour info, le groupe avait joué la démo de ce titre chez John Peel début 1978. C'est pour ça que je l'ai programmé ce soir dans le Stone Rock Show, mais en version originale. On enchaînera avec Johnny Moped, groupe de punk rock britannique originaire de Croydon à Londres en Angleterre, et le titre Oui Oui, qui est extrait de l'album Psychedelic sorti en 1978 chez Chiswick Records. Je te passerai ensuite Heart Attack, groupe de punk anglais qui a existé que de avril 1977 à mars 1978 et n'ont sorti que deux singles, dont I Am a Dalek, sorti début 1978 chez Albatross Records. Et on terminera cette série avec Rudy, groupe de punk rock power pop originaire de Belfast en Irlande du Nord et formé en 1975. Je vais te diffuser le titre Big Time, leur tout premier single, sorti en 1978 chez Good Vibrations. Encore une belle série que tu n'entendras pas sur d'autres radios. Merci Stone Rock. Allez, mets le volume à fond et fuck les voisins, c'est le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio. Punk's not dead. Drops. Why am I the sun? I'll c'est quoi ce bordel? Listen to all your rant. You can't do nothing but waste my time. To get rid of you is an economy. Slack down all your policy. And it was an inevitable. Made me feel like a piece of cake. But I'm back here and all of you. This is all you see and do. Way, way, way, way, way, way. How you carry on? Now what you do? Crash my mind with stupid laws. I can't help wondering why you look so bored. See you've been working for a lost cause. Slack down, wish you more. And I was out in every day. May it feel like a piece of cake. My reflection on all of you. This is all you said to do. Way, way. Way, way, way, way. Yeah. This is how you carry on. Now what you know. Good riddance. These things do, Lick. It's disgraceful. It's disgraceful. Shut up. Shut up! Le Stone Rock Show. C'est des malades. C'est des malades. C'est des malades. C'est de la merde, c'est tout. le Stone Rock Show. Émission d'Olive. Deuxième partie du Stone Rock Show avec mes chouchous de cette période bénie du punk rock. Je veux bien sûr parler des Buzzcocks et le titre Noise the Noise, qui est la face B du single Love You More, sorti le 30 juin 1978 chez United Artists. Le wire de la semaine, Man Second, extrait du magnifique Chair Missings, sorti en septembre 1978 chez Harvest. On enchaînera avec Darts, groupe britannique du renouveau de doo-wop, qui a connu le succès dans les charts à la fin des années 70 et au début des années 80. Avec la reprise du groupe The Adlibs, The Boy from New York City, extrait de l'album Everyone Play Darts, sorti en 1978 chez Magnet Records. Et on terminera cette série avec le reggae de la semaine, Merlin Weber et le titre Cheating This, single sorti en 1978 sur le label du boxeur Joe Frazier. Les autres, bordel de merde. We'll be right back. c'est nul. Du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? l'émission Olive. Si tu viens de nous rejoindre, tu es bien sur Stone Rock Radio avec le Stone Rock Show. Et c'est Olive à l'antenne pour t'accompagner une petite partie de ton mercredi soir. J'espère que tu passes un bon moment avec du bon son rock passé sur les radios british en 1978 et que tu découvres ou redécouvres les titres ou les groupes de cette belle époque musicale. Troisième partie de cette émission avec un nouvel extrait d'Adventures, deuxième album studio du groupe Television sorti en avril 1978 chez Elektra. Je te passerai le titre Days. On enchaînera avec les Cramps, groupe de rockabilly américain originaire de New York que tout le monde connaît aujourd'hui grâce à la série Mercredi et le titre Google Much. Je te diffuserai leur tout premier single Human Fly sorti en 1978 chez Vengeance Records, là où tout a commencé pour le groupe de Lux Interior et Poison Ivy. Le groupe Squeeze et Sex Master, morceau d'ouverture de leur album éponyme sorti en mars 1978 chez I&M Records. Et on terminera cette série avec Tom Robinson Band, groupe de rock britannique fondé en 1976 par le chanteur, compositeur et bassiste Tom Robinson, et le titre Up Against the Wall, troisième single du groupe sorti en 1978 chez EMI. With my blood. ill. I say buh-buh-buh-buh-buh, and it's just because I'm a human fly. And I don't know why I got 96 tears, 96 eyes. I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like the ride, so push that bastard aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Right. I'm a human fly, I still feel why I say buzz, and it's just because I'm a unzipped fly, and I don't know why, and I don't know why, but I say right tonight, I say pocket right, and I say but I don't know why. Just don't know why. Le Stone Rock Show. Et du glucose. Nadine Mouk, Nadine Babek. Dark head, dangerous school kids. Vicious, suspicious 16. Jet black blazers at the bus stop. Sullen, unhealthy and mean. Teenage gorillas on the tarmac. Fighting in the middle of the road. Supercharged. grandma. Just whose side are you on? Said, look out, listen, can you hear it? Panic in the county hall. Look out, listen, can you hear it? Whitehall, I'm against the wall. I'm against the wall. Against the wall. In Mayfair, rioting in Notting Hill Gate, fascists marching on the high street, carving up the welfare state, operating against the hotline. So father, can you hear me at all? Telephone kiosk out of order, spray can riding on the wall. Look out, listen, can you hear it? Panic in the county hall. Listen, can you hear it? Whitehall, up against the wall. Look out, listen, can you hear it? Panic in the county hall. Look out, listen, can you hear it? Whitehall, up against the wall. Émission d'Olive. Quatrième et dernière partie du Stone Rock Show, un peu plus classique, avec Thin Lizzy et Rosalie. Morceau d'ouverture de l'album Fighting, sorti le 12 septembre 1975 chez Vertigo et composé par Bob Seger. On enchaînera avec Tyrannosaurus Rex, alias Mark Bolan, et le titre Deborah, single sorti le 24 mars 1972 chez Fly Records. Et on terminera avec deux titres de Johnny Kidd and the Pirates, je vais te passer I Can Tell, face B du single A Shot of Rhythm of Blues, sorti en novembre 1962, et I'll Never Get Over You, single sorti en juin 1963 chez His Master's Voice Records. Bachung disait dans sa chanson Gabi oh Gabi, je sens comme un vide, remets-moi Johnny Kidd. Voilà, c'est chose faite. John Peel avait consacré une partie spéciale à Johnny Kidd and the Pirates en avril ou mai 1978, à l'occasion de la sortie d'une compilation rééditée par EMI dans un de ses John Peel Shows. She knows music, I know music too, you see. losing time. She knows music, I know music too, you see. She got the power, she is a tower. Rosalie, Rosalie, Rosalie, yeah. Vous fumez, monsieur. Don't love me no more, no more. Ah, dis donc, Jamy, qu'est-ce qu'elle est bonne! I'll never get over you. No, I'll never get over you. I just can't keep it a secret anymore. Oh, no, no. It wasn't so long ago that you told me you loved me so. Then you went and said goodbye and found another guy. Secret anymore. Voilà, le Stone Rock Show, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. J'espère que tu t'es régalé en ma compagnie et que tu as apprécié ces morceaux diffusés sur les ondes anglaises en 1978. On va se quitter avec la Pit Session de la semaine, le groupe Subway Sect, enregistré le 17 octobre 1977 dans les studios de la BBC et diffusé pour la première fois dans le John Peel Show le 24 octobre 1977. Le groupe y interprète 4 titres, Chainsmoking, Parallel Lines, I Don't Split It et Nobody's Scared. Le jeudi, Thorsten Rock retrouve Mick pour sa mensuelle Encore des Riffs vers les 17h, suivi de Manu pour le Rock Alternative Show vers 20h. Et le vendredi, c'est Jan et Totalement Rock en live vers 21h. Que des bonnes choses sur Stone Rock Radio, tu as choisi la bonne web radio. Tu peux retrouver le Stone Rock Show sur Mixcloud sur la page de la radio ou sur le site archive.org en tapant tout simplement le Stone Rock Show. Sinon, abonne-toi sur Facebook pour être au courant des news ou de la prog. Allez, bonne nuit à toi, Midi Rock, et à la semaine prochaine. Merci pour ta fidélité. Bye! turn up for the answer. Don't slip it, no need to know me, yes. You start to finish, there's something controlling your life. I know when, but when is it not better for the rest? The good, the bad, the best. If you don't know tomorrow, tomorrow's never gonna know you. You betray my life, is there something you've got to prove? Oh, sais pas si je dois vous appeler amis de la musique ou plus simplement amis du rock. En tout cas, mesdames et messieurs, bonsoir.